You give me. abandonnés. Mali Moussolou, Sénégal Moussolou, la Guinée Moussolou. Eh, aïe donc, Ken Moussou, Beka Kanela, aha, Agaton, Akasewa, Adjoa. Ya, ya, ya. Ay, sorry.